flammes ensemble, roule pour ma pomme tout seul. Avec mes grandes gueules, on se passe gaz, sans arrêt slap. Mène une vie de caille pour du zayo pour que j'y aille. Alors du soir, mes entrailles. Du 75 Paris, capitale paradoxale, ville lumière. Au 100 000 lascars froides comme la crosse d'un revolver. Au garde tagué au fat cap, aux rues défoncées. Aux sables écrits, le monument de rêve. À la guerre centrée, vos spleens. Du riche et du pauvre, de l'intolérance, des contrôles sans cesse. Du stress, des jazz, des fourtitesses qui blessent, ma jeunesse m'oppresse. C'est parmi cet état d'esprit que se forge une mentalité dure, forte. Pour la gloire, il cache, de chaque rapport soit l'emporte. Enflammé tout Paris, un max de fanatisme, le Paris. Pour ceux qui sont paris, chez veulent tu crois qu'ils le paraissent. Les flics nous paraissent, un billet dans la poche comme une caresse. De la pauvreté, ok j'admets, je sais que ça te saoule. Rien de notre misère, nous pour tenir. On a que cette foule, normal ça sonne. Y'a autant de MC que de gars à famille. Obligé que le boucan soit fameux quand on bouffe en famille. Autant de stylos mec, il existe de marques de stylos mec. Ne regarde pas comme ça, cherche pas, surtout demande pas comment. C'est comme en guerre, en tout cas y'a pas mal de points communs. C'est comme un western avec les cowboys et les comanches. Faut bien qu'on mange, même si maintenant y'a pas que les braquages qui marchent. La dealer pour les Dalton, une affaire en marche. C'est pour tous les gars du 9-1, du 9-2 représente tout le 9-3, le 9-4 que mon son claque, 9-5-7-7-7-8. C'est pour tous les gars du 9-1, du 9-2 représente tout le 9-3, le 9-4 que mon son claque, 9-5-7-7-7-8. C'est juste un jour de plus. La routine enclenche le même processus. NKNB grave, on pas des tours, squat le bitume, le béton s'use. Attroupement de jeunes en bas des escaliers, tous regroupés. Tel un conseil de guerre, ça va le flot pour noyer notre pauvreté. Rortigat idée, allume tous plus kiff. Fais péter champagne, je reste intensif pour ton collectif. Vite ma goule pour un rap de bandit plutôt unique. Chaque jour je bondis du lit, tout pour une concrète technique. OMIC revendique les big beats de ma big click. Reconnais mon flow du lot, mon stylo big j'nique. La POLI, c'est eux, je suis Orlin et Loï. Sur transaction, sur l'instru d'une mélodie. La guerre entre les cailles et la cadet ne s'arrêtera jamais. D'innocentes victimes deviennent les proies du 5R. Tu ton car, quand je m'affiche, c'est pour un toncard. Tu saches à Paris, question flow freak, pas de tocard. Donc viens pas me test, repars dans ta campagne, remonte dans ton car. Là où misère abonde, l'envie niquée de bénéf vagabonde. Une méga bande, c'est pas pour le zut là où traîner en bande. Adidas dans la ville, pas possible, y'a pas que 3 bandes. Et pour le savoir, t'attends pas qu'à l'auston de mettre 2-3 bandes. Je représente Paname, la capitale. Et si je capitule, je serai en capitaine. Sinon, tant pis, ça t'a payé. C'est pour tous les gars du 9-1, du 9-2. Représente tout le 9-3, le 9-4 que mon son claque, 9-5-7-7-7-8. C'est pour tous les gars du 9-1, du 9-2. Représente tout le 9-3, le 9-4 que mon son claque, 9-5-7-7-7-8. PARIS, on partage le même stress. La jeunesse prend goût au business, mon les drogues s'expert. À ce qui paraît au top de Paris, j'apparais de cette chaîne de vie. Là où le meilleur est loin, et les miens récoltent la grosse merde. La perte. Dans un VR6, à fond en cinquième. Le sky s'enchaîne, comme fond de boulettes sur les banquets. Regarde nos yeux et dis-nous ce qu'on veut. Quand on accoste sec au feu rouge, les feux meux. Deux, trois paroles légers sans phone, y'a plus d'enjeu. Enfumé par le touchy et la beu-beu, mais on en veut. Stan Smith, style à cross clean, méga en bleu jean. Schweb jean pour un jean, Tony Gui en combine. Hip hop dans les caisses, vapeur de skunk et le vieil funk. Chino bouge, on livre son nom sur du quelconque. Le gong sonne, minuit les lascars sortent. Les flics en escorte, sont si nombreux de la nuit sans morte. Mais nos portables à réveil s'annonce enfin les soirées. Préviens ton crew qui sait comment cela peut se terminer. C'est chacun pour soi mais la même zig pour nous tous. Ça sent le métèque dans cette bouse, aucun skin va se la couler tous. C'est Cosmopolite City du 13 au 18ème. Puis le temps que tu t'y fasses dit, on aura déjà tout conquis. Pelec, Cuidao, j'entends des cargos d'argo. J'en place pour le nord, le sud, l'est, ouest et tous les parigots. Parigo, CDF 75, j'ai deux amours, mon doublé et cette pluie qui me rend dingue. Et si elle est vache, pour nous c'est comme un monopoly. Tu gagnes, tu perds pour être top, suffit pas que d'être poli. C'est notre état d'esprit à part nous qui te le dirons. C'est pour tous les gars du 9-1, du 9-2 représente tout le 9-3, le 9-4 que mon son claque, 9-5-7-7-7-8.